Elvis Presley est vraiment un artiste qui a eu des périodes très différentes dans sa carrière. Certains admirateurs vont préférer le tout début dans les années 50, d'autres son passage à Hollywood avec une trentaine de films et les chansons qui allaient avec. Beaucoup adorent le Presley habillé de cuir noir dans ce que l'on appelle le comeback de 68 ou encore les shows des années 70 façon Las Vegas. Lors de ma visite à Memphis, je croise un homme qui a vécu tout ça à ses côtés. Son ami d'enfance, George Klein, qui à l'âge de 12 ans, alors qu'ils étaient à l'école tous les deux ensemble, avait déjà remarqué le talent d'Elvis. La première fois que j'ai remarqué son talent, c'est quand il a amené sa guitare à l'école et qu'il a participé et gagné un concours de chant. Et c'est à ce moment où je me suis vraiment dit qu'il avait une chance. Bien souvent, les fans d'Elvis le préfèrent dans ses premières années. C'est le cas d'Eddie Mitchell, qui reste un fan, mais pas inconditionnel. Je suis un fan de Presley, je dis bien, moi Presley, c'est 54-59, parce que Presley, après, c'est... Pas tout le temps, de temps en temps, d'un seul coup, il revenait, badaboum, parce que c'est un chanteur extraordinaire, énorme. Je veux dire, il ressemblait à tout le monde, après. Mais Presley restait quand même, malgré ça, enfin, à mon sens, donc c'est fort, je restais quand même énorme à cause de son passé. Et la voix d'Elvis chante « Good Rock Tonight ». Mais d'un seul coup, j'ai jamais compris. Moi, le jour, j'en serais toujours, où j'ai entendu « Au sol et Mio », j'ai fait « Bon, le côté Mario Lanza, sans moi. Allez, allez salut, puis voilà. » Les chansons d'Elvis sont souvent liées à des souvenirs d'enfance, comme le départ en Algérie pour Eddie Mitchell, ou cette histoire très personnelle d'un autre chanteur, Frédéric François. On ennuyait mon père tous les dimanches pour avoir la télévision. Et avec les frères et mes sœurs, on se disait « On va l'ennuyer, on va lui demander qu'il nous achète la télé, tu vas voir, cette fois-ci c'est gagné, il va nous acheter la télé. » Et un jour, en semaine, il s'est décidé, on y est allé, et il a ramené une radio avec un pick-up, tu vois. Et le premier disque qui a tourné sur ce pick-up, c'était Au Soleil Mio, c'était sa chanson préférée. Et donc, bien sûr, c'est retrouvé sur cette platine, « It's Now or Never » d'Elvis Presley. It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Magic Elvis, une série signée Philippe Robin.